imagine que les gens t'en veulent, que le bonheur soudain t'abandonne. Comme pour te consoler, tu ne trouves personne. Viens vite, je t'attendrai. Viens vite, je t'attendrai. Ha, tu te laisses aller, que tu cherches une main pour te rattraper.